ça ira mieux, ça va toujours. Va danser le soir, mets ton cœur en fête, commence une histoire. Si tu as besoin de tendresse, y a toujours quelqu'un quelque part qui va te rendre tes caresses. Mais faut donner pour recevoir. Salut à tous, auditeurs, auditrices de Radio Gémozo 107 FM. Merci d'être à l'écoute. Vous nous suivez également sur Orange Radio. Salut à nos amis Facebook. Vous êtes avec Gilou et Lia dans les années Bonheur. On vous accompagne en musique et en direct jusqu'à 17h. Alors amis auditeurs, auditrices, soyez à l'écoute. Nous avons de la belle chanson, chanson romantique, cet après-midi sur nos ondes. Nous sommes le jeudi 28 avril. Il est 16h02 et il fait bon. Et oui. Il fait bon. Alors, hello le Québec, il est 10h, hein, une belle journée, des bisous à la petite équipe. La Suisse, l'Allemagne, la Belgique sont à l'écoute. À l'Allemagne, j'espère, aujourd'hui. Bonjour Lia. Bonjour Gilou. Comment vas-tu? Je vais très bien. Très bien, merci. C'est la forme. Et toi? Voilà, oui. Très bien. Écoute, oui. Il y a du soleil. Ah oui, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça booste. Formidable, hein, voilà. Alors, pour ce jeudi, j'ai le grand plaisir de recevoir un artiste de la région Alsace, oui. Tom Matisse. Qui va nous parler de son actualité et de son tout nouvel album Schön ist das Leben, La vie est belle. Alors, je fais un petit coucou à l'Alsace, puisque voilà. Donc, je fais un petit bisou à Violette, à Nathalie, à Lynn, à Sylvie, Betty. Voilà. Super. Pour les autres bisous, je laisserai Tom en parler. Chacun sa tournée. Voilà. Donc. Comme d'habitude, des petits messages sur Facebook, sur nos pages respectives, oui. Radio Gémozo et Gilles Mougel officiel. N'hésitez pas à nous mettre des petits messages, on transmettra direct. C'est vrai, ça fait toujours plaisir. Mais bien sûr, à notre invité que je retrouve maintenant. Bonjour Tom. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs. Merci pour votre accueil. Mais c'est avec plaisir Tom, merci à toi d'être sur notre antenne cet après-midi. Ça fait plaisir. C'est avec grand plaisir. Ouais, ça fait... pour nous aussi, ça fait plaisir de te retrouver. Voilà, puis merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je suis après-midi donc avec Lia, hein, qui est avec moi, la régie son. Bonjour Tom. Bonjour Lia. Et puis nous avons aussi bien sûr Lynn qui nous écoute depuis le Québec, qui fait partie aussi de la petite équipe, hein, bien sûr. Voilà. Bonjour Lynn aussi, et puis merci pour le suivi, hein, parce qu'elle suit ça très bien, de très près. Ah oui, oui, oui, oui, c'est vrai que elle travaille bien. Voilà, ben c'est super Tom. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles la dernière fois qu'on s'était vu, quand nous avions fait une première émission ensemble, donc tu étais venu en live dans nos studios. Exactement, ça remonte je pense à l'album précédent, c'était en 2018 il me semble. Ouais, c'est ça, c'était le 30 juin, exactement le 30 juin 2018. Nous avions fait. Il faisait tout aussi beau. Eh, c'est vrai, oui. Tu te souviens? Oui, oui, je me souviens très bien. Ouais, ouais. J'étais venu en studio. Il faisait ouais, très ouais. Chaud. Et puis avant, on s'était vu, mais bon, on va peut-être pas en parler, hein, parce qu'on va faire des. Oui, bon, on avait bien mangé quand même. Voilà. C'est un super souvenir. C'est vrai. Voilà, Tom. Alors aujourd'hui, tu es avec nous, donc. Pour nous parler de ce tout nouvel album, hein, Schön ist das Leben, La vie est belle. C'est ça. Ah, c'est tu ça. Prononces de mieux en mieux l'allemand, Gilles. Merci, bien. Tom. Écoute, je me suis appliqué, tu vois. Ouais. Puis, tout le temps. C'est je me suis un petit peu appliqué, tu vois. Puis bon, après, je me suis dit, j'avais une petite idée de faire une petite intro en allemand, tu vois. Et puis après, après, je me suis dit, bon, après, si Tom, il me répond, puis que je ne comprends pas, puis que je ne puisse pas répondre, ça ne va pas le faire. Donc voilà, je me suis cantonné. Non, mais voilà. On ne se laisse pas piéger, quoi. Oui, ouais, tout à fait. Voilà. Alors, un nouvel album, hein, Tom, voilà. Précédemment, tu avais fait deux albums, bien sûr, puis des singles. Hein, donc, tu avais fait un album en 2013. Hein, merci für deine Liebe, tu vois, je continue. Et puis en 2018, coup de foudre à Paris. Voilà. Hein, c'est de ces albums-là que nous avions parlé la dernière fois quand tu étais venu. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. J'avais fait ma carrière, elle avait démarré donc en 2012 lors d'un télécrochet sur la première chaîne allemande. Oui, c'est ça, oui, ok, oui. Et suite à cela, j'ai eu la grande chance de signer un premier contrat auprès d'une maison de disques qui est un majeur quand même très important, qui est Warner Music. Ah oui, et donc qui m'a permis de sortir mon premier album en 2013. Ouais, tu l'as dit, merci für deine Liebe. Oui. Et puis ensuite, il s'est passé quelques années où j'ai fait un petit break, hein, sur ma carrière musicale. Parce que j'avais aussi d'autres activités, j'ai toujours voulu garder mon travail, parce que pour moi c'est très important d'avoir un travail pour l'aspect financier et pour ma vie de famille et personnelle, et garder vraiment une passion pour la musique et sans avoir cette pression financière sur ma passion. Et c'est vrai qu'à l'époque c'était dur pour moi de tout concilier, donc j'avais fait, parce que j'étais également très actif auprès d'un orchestre dans la région, on faisait une soixantaine de dates. Ouais, c'était avec Duo Tendance, donc tu as tourné. Non, c'était Santa Rosa. Ah, Santa Rosa, pardon, excuse-moi. C'est vrai que j'ai un petit peu confondu les deux. Enfin, oui, Santa Rosa, oui. Pardon. Oui, j'ai encore quelques chansons de. Oui, oui. Oui. Ok. Santa On a sorti Rosa. Quelques albums aussi avec Santa Rosa. Ouais. D'accord. et puis après, du coup, j'avais envie de reprendre un petit peu la musique et l'aspect solo. Et puis c'est vrai que j'avais commencé à composer déjà avec Santa Rosa quelques chansons, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un nouveau concept, c'est du schlager, mais en français. Oui. Et c'est pour ça que j'ai commencé à composer mes titres pour en faire un album que j'ai autoproduit aussi en 2018, donc qui a donné Coup de foudre à Paris. À Paris. Et donc j'ai été très très surpris par on s'est rencontrés grâce à cet album aussi. C'est ça, oui. Mais aussi beaucoup de fans à travers le monde ou la France, à travers différentes régions, qui finalement adhèrent aussi pour cette musique parce qu'elle n'est pas trop soutenue médiatiquement. C'est vrai, France, aussi, oui. Du moins, pas comme en Allemagne. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que je suis très heureux de faire un troisième album, à nouveau avec une maison de disques, mais en Suisse, un peu plus petite, et qui me laisse aussi la chance de faire de la composition. Voilà. C'est vrai, oui. C'est pas toujours évident dans les grandes majors. Souvent, on est plutôt interprète et on nous impose plus ou moins les titres. Mais là, j'ai vraiment pu créer mon projet de A à Z et à ficeler mes chansons pour en faire. La vie est belle, Sionis Tasley. D'accord, ouais. Oui, donc tu as composé une grande partie de ces titres, de cet album. Hein. Et bien sûr, tu t'es entouré de pointures pour la création, pour la création du projet. Donc, ouais. Hein, on peut les citer, Martin Koller, le son producteur chez Zoom Music, Alex Breitung. Et puis, compositeur allemand connu, entre autres, pour qui a travaillé avec Modern Talking, c'est ça? C'est ça, DJ Bobo. DJ Bobo, ouais. Ah, c'est des belles pointures, ça, quand même. Hein, c'est vrai aujourd'hui, Axel Breitung, si vous voulez. Oui. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Hein, on parle souvent des artistes interprètes, mais très peu des compositeurs ou des paroliers, en fait, qui ont un rôle très important. Axel Breitung, aujourd'hui, c'est le premier compositeur allemand. C'est lui qui fait le plus de chansons aujourd'hui dans le domaine du schlager. D'accord. Et donc j'ai été très heureux, et ça c'est grâce à la maison de disque aussi, c'est de composer avec lui des titres. Bien c'est sûr. C'est-à-dire que certaines chansons, on les a co-composées, il a fait le refrain, j'ai fait le couplet, et vice-versa. Mmh. Voilà, un bel album, hein. Bien sûr on va écouter des extraits. Alors, comment dire, tout à l'heure tu disais que tu continues à travailler, bien sûr. Je pense que c'était bien à un certain moment, parce que quand on a eu, bien sûr, c'est dommage, on est toujours en train de parler de cette pandémie. Je veux dire, voilà, il y a eu 2 ans où c'était tout était ralenti, tout était éteint, tout était arrêté. Donc je veux dire, c'est vrai que s'il y a eu des artistes qui vivaient de leur métier, puis à ce moment-là, paf, tout s'arrête, je veux dire, bon, voilà, c'est peut-être c'était judicieux. Enfin, bien sûr, on n'y pensait pas à tout ça, mais d'avoir un métier à côté. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu travailles toujours, Tom, ou est-ce que tu es là maintenant complètement dans le... Non, pas complètement. Mmh. Je travaille toujours à temps plein. Mmh. Je fais mes 35 heures par semaine. Ouais. Et oui. Et puis, et d'ailleurs, j'ai toujours défendu ça. Et c'est vrai que je l'ai défendu depuis le début. Alors, les personnes du showbiz, des fois, elles ne comprenaient pas pourquoi je faisais pas de la musique vraiment mon métier. Oui, bien sûr. Mmh. Donc, j'avais toujours un peu cette pression aussi, de la part des managers, des producteurs qui me disaient, mais c'est dans ton métier. T'as un contrat avec une major, aujourd'hui c'est très difficile à voir, etc. Ah oui, oui. Mmh. Mais c'est vrai, mais j'avais toujours cette peur et cette crainte de me dire qu'un jour, même si on est avec une major, ben eux décident de ma vie. Et contrôlent ma vie sur l'aspect aussi pécunier. D'accord. Et bien c'est sûr. Pour ça que j'ai toujours défendu le fait que, ok, je travaille aujourd'hui avec un major ou un label qui est plus petit, mais qui accepte aussi ma vie. Qu'elle soit privée ou professionnelle, et je me sens beaucoup plus à l'aise de vivre ma passion aujourd'hui. Et finalement, avec ce qu'on a dit, avec la pandémie, oui. C'est un peu le destin qui faisait les choses déjà à l'époque en disant, heureusement que j'ai fait ce choix. Hein, oui, bien sûr, c'est vrai. Ouais. Alors, dis-moi, Tom, est-ce que c'est plus facile, je veux dire, là, tu es avec une major suisse, c'est ça ? C'est ça. Tu chantes en Allemagne aussi ? Oui. En Autriche, ouais. Est-ce que c'est plus facile, je veux dire, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, qu'en France, de pouvoir justement, voilà, comme de pouvoir travailler, faire ta passion. On va dire qu'il y a plus de canaux médiatiques dans ce domaine musical. C'est-à-dire que le schlager, si on redéfinit un peu le schlager, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est de la musique pop qui aujourd'hui, alors elle a un aspect ringard dans les pays francophones, oui, et pourtant elle a été complètement modernisée ces dernières années, donc c'est plus le schlager d'il y a 10 ou 15 ans. Oui. Aujourd'hui on est quasiment sur de la musique radio, sur de la musique pop, et il y a beaucoup d'émissions télé et radio qui sont aujourd'hui encore organisées dans les pays germanophones, en Allemagne, en Suisse, en Autriche. Donc c'est vrai que par ce biais-là, c'est forcément un peu plus facile, on va dire, d'accéder à ce marché, on va dire. D'accord. Voilà. Mmh. En France, je fais aussi des scènes, mais c'est vrai que ça reste plutôt local, en Alsace-Lorraine. Pourquoi ? Oui. Parce qu'on a aussi cette mentalité festive. Et aujourd'hui, quand on fait une fête de la bière, un dîner dansant, des choses comme ça, les Alsaciens ou les Lorrains, ils cherchent aussi cette musique et cette ambiance de schlager. C'est vrai. C'est toujours festif en Alsace. C'est vrai. Je connais bien l'Alsace. Non, mais c'est sûr. Alors, si tu veux, Tom, on va écouter une première chanson. Alors là, on va voir que c'est bon. La chanson, moi, je disais toujours que tu es un chanteur romantique. Mais voilà, c'est avec des sons qu'on va trouver maintenant, des sons nouveaux, des sons actuels. Oui, on est obligé de s'adapter. Oui, c'est ça. On s'adapte aujourd'hui, en effet, à l'aspect schlager qui est beaucoup plus orienté pop. Oui, c'est ça. Et moi, franchement, c'est quelque chose que je recherchais déjà depuis l'époque, mais j'ai pas eu forcément la chance de pouvoir le faire avec mon ancien producteur, parce que après, techniquement aussi, ces sons-là, il faut les avoir et il faut pouvoir les travailler. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ce que je recherchais. Et quand je composais mes titres, ce qui est bien avec Martin Keller, qui est aujourd'hui mon producteur, c'est qu'il sentait aussi ce que je voulais transmettre à travers ma chanson et dans quel style je voulais la transmettre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un album où je me sens bien. On est sur des titres que j'ai composés en grande partie et que j'aime beaucoup, et derrière l'arrangement aussi. Donc on est sur quelque chose de plus frais, plus jeune, plus d'accord, plus c'est, pop. C'est Est-ce que c'est mais on reste sur l'amour, Ah ouais, mais on reste sur l'amour. C'est pour ça que je parlais de romantisme. Et pour toi, cet album serait après tes deux derniers, je vais y arriver à l'album. Est-ce que celui-ci serait plus abouti de tes albums? Peut-être en ayant une autre... Je dirais oui. Alors, je dirais que c'est un bon résumé suite à mes expériences que j'ai pu faire à travers mes deux premiers albums. Oui. Je m'explique avec cela. Donc, en termes de son, c'est vraiment ce que je recherche. Donc là, on est très abouti par rapport à ça. Et aussi dans l'aspect franco-allemand, étant donné que j'ai vécu donc et grandi en Alsace dans un secteur géographique biculturel et bilingue aussi, ben j'ai cherché à travers une maison de disques suisse, heureusement. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi la langue française et la langue allemande. Donc j'ai pu dans ce nouvel album, donc en majorité il est axé pour le marché allemand. Oui, c'est ce que j'allais te demander aussi, oui. Ouais, voilà. Mais on a quand même réussi à intégrer des titres en version française. Et je trouve que ça résume bien ma vision de la culture et aussi l'expérience que j'ai pu faire à travers ma culture et mon univers musical, quoi, à travers les années. Ok, Tom. Alors, on écoute un premier extrait. Alors, ouais. La vie est belle, hein, version originale. Alors, ok, super. Tu verras, il y aura une petite surprise, on en reparlera après la chanson, d'accord? Ah bah c'est parfait. Donc c'est le titre, je dirais le titre éponyme hein, de cet album, donc Schön ist das Leben, La vie est belle. Donc on écoute et puis on en reparle après. Merci. Allez, c'est parti. Auch wenn wir uns manchmal streiten und mit Herz und Seele leiden, es gibt immer einen Ausweg, ganz bestimmt. Denn auf beider Tour gewalten, würde ich immer zu dir halten, bis unsere Sehnsucht gewinnt. Unsere Herzen versöhnt. Und wir fühlen, das Leben ist schön. La vie est belle, es liebt dich, wenn's fühlt, dass du's auch liebst. Es nimmt dir den Schmerz und erlöst dir wieder dein Herz. La vie est belle, es schenkt dir ein ganz anderes Leben. Mach dir wieder Mut, find dir Lebensfreude ins Gut. La vie est belle. La vie est belle. Qui surfe, des envies d'appuyer sur off, de laisser tourner le monde et s'oublier. Un jour un mot qui ne va pas, un amour qui ne répond pas, et plus rien ne marche droit. Mais si tu le veux bien, tu peux choisir où va ton chemin. La vie est belle. Voilà Tom, viens d'écouter. Ah, bah, surprise, tiens. Ouais, ça va ça. Ah bah super, on a rien entendu. Ah, bah, c'est cool, c'est cool parce que bon, c'est vrai que je m'étais dit bon, on va écouter une première partie version donc allemande, hein. Et puis donc comme tu as cette chanson en français, on a fait un petit mix avec l'IA tout à l'heure, un petit peu avant l'émission. Donc voilà, c'est surtout elle qui a fait le mix. Mais c'est vrai que c'est super. Bravo l'IA. Ben, il faut dire ce qu'il y a, Lille, c'est vrai. Moi, j'ai eu l'idée, toi, tu as fait le mix. Et c'est drôle parce qu'en en soirée, lors des concerts, je fais pareil pour... Ah oui, bien sûr. Ouais, pour, oui. Pas sur ce titre-là, mais je le fais sur le titre Tout. Tout doux, qui est en version allemand, puis en français. D'accord, ouais. Voilà, bon, j'avais cette petite idée, je me dis ça serait sympa, comme ça on entendrait, voilà. Hein, bien sûr. Okay, très bien. Bon, ben c'est cool. Alors, si tu as validé, c'est bien. On n'a pas fait d'erreur. Je valide. Tu valides, c'est bien. Tout le monde a dansé en studio, c'est bon? Bah, écoute, on est trois en studio. On est trois en studio, donc il y a Chris qui est là. Salut Chris, il passe dans les studios. Chris, il est là. Okay. Donc, je suis avec bonjour. Voilà. Yeah. Ouais. Et donc, voilà, tu vois, on est dans notre. On n'a pas dansé, mais ça donne envie de danser. Bon, puis, moi, j'aime. Ça va. Ouais, ouais. Puis bon, moi j'aime bien ce que tu fais déjà sur l'album Für Deine Liebe, parce que je sais pas, je l'avais peut-être déjà dit, mais moi tu vois, à un certain moment en France, enfin voilà, je trouvais plus des choses que j'aimais, chansons romantiques. Bon, on a encore quelques chanteurs romantiques, hein, bien sûr, mais c'est vrai que j'allais beaucoup du côté de l'Allemagne des fois, voilà, pour écouter des nouveaux sons, tu vois, des autres artistes. Et puis parce que bon, voilà, parce que je suis de la région Alsace, parce que j'avais de la famille, tu sais, voilà, en Alsace, et que j'ai écouté ces sons allemands. Bon, ça remonte à loin, mais voilà, c'est de la chanson romantique aussi allemande que j'aime bien, tu vois. Bah oui, c'est vrai qu'en Allemagne, ils sont très... Ah oui, c'est vrai, quand tu vois les shows qu'il y a à la télé, je trouve que c'est super. Enfin, je pense que tu connais Andy Borg. Bah bien sûr. Hein, voilà, donc quand tu regardes les shows, tout ça, c'est toujours super. Je sais pas, chez nous, on a plus ça, je trouve, en France. Enfin, ça n'engage que moi. Hein. Mais oui, on a plus ce genre d'émission comme ça, c'est super, quoi. Je suis un peu du même avis, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a beaucoup moins d'émissions en France. Ah oui, ouais. Et c'est dommage. Ben c'est dommage, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as pu, toi, rencontrer des artistes allemands, Tom, comme je dirais, Andy Borg, ou Semino Rossi, ou... Oui, il y en a plein sûr, d'autres, ouais. Ouais, ouais. Ben après, j'en ai rencontré beaucoup quand j'étais justement au Télécrochet. À savoir qu'au Télécrochet, j'y étais 7 fois, 7 semaines consécutives. Oui. Et donc, vu qu'il y a toujours d'autres artistes... par émission, ben, oui, c'est vrai que j'ai rencontré, ben, il y avait Hans Hinterseer. Ah oui, Hans Hinterseer, d'accord, ouais. Rosanna Rucci, Markus Wolfhardt, Geschwister Hoffmann, qu'est-ce qu'on a d'autre? Béatrice Egli. Ah oui, Béatrice Egli, alors, elle est aussi de la région, elle n'est pas de la région Alsace aussi, Béatrice Egli, si? Suisse. Si, hein. Suisse. Ah, Suisse, pardon, d'accord. C'est Suisse. C'est Suisse. Béatrice Egli. D'accord. Après, qui j'ai rencontré, ouais, je sais même plus, parce que ça passe tellement vite. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, Gruber Thaler, enfin voilà. Ouais, non, enfin, finalement, là, beaucoup de noms de la musique allemande, ouais, qu'on rencontre lors de ces émissions, et après, oui, sur des plateaux de concert qu'on partage, finalement, on se retrouve. Et puis on partage des bonnes soirées aussi. Oui, bien sûr. Derrière la scène. Bien sûr, ouais. Oui, je sais, pour y avoir été, enfin je veux dire en Allemagne ou en Alsace, enfin comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on mange bien, on boit un petit verre, voilà, avec modération. Oui. Ah, c'est vrai, quoi. Ah, voilà. Oui. Alors Tom, tu étais candidat aussi pour la sélection de l'Eurovision 2021. Oui. Tu peux nous en dire un petit mot là, bon, chez ton comment j'ai ta note, enfin ta. Mais si ouais, tu peux nous en dire un petit mot. Ouais. Ouais. Ouais, bah, pour moi c'était justement je me posais un peu les questions pendant la pandémie, comment on pouvait faire avancer un petit peu les choses artistiquement, parce que finalement l'album, ça fait presque 2 ou 3 ans qu'il était prêt. Ah oui. Et, 3 ans que j'ai commencé à composer, on va dire, après le temps de produire, etc. On va dire, allez, l'album était prêt depuis quasiment 2 ans. Oui. Et on a systématiquement repoussé les dates de sortie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de promotion possible au radio ou au télé. Oui. Donc c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. Donc je suis enfin content de le sortir depuis le 15 avril dernier. Oui. Concernant l'Eurovision, bah pour moi c'était un challenge aussi de... Parce que je me voyais bien dans cette émission, dans le sens où on est vraiment sur l'album, et notamment sur un titre en particulier qui s'appelle Doux, version allemande, et Tout, du coup, c'est la version française. D'accord. On est vraiment dans un concept où on regroupe beaucoup de personnes européennes derrière ce titre. Donc le compositeur, il est danois. Le parolier, c'est Chris Sheldon, qui est français. Oui. Moi je suis originaire aussi de France, la maison de disque est suisse, et on a l'arrangeur, etc., qui est allemand. D'accord. Donc finalement on a plusieurs nations qui se trouvent autour de ce titre-là. Et pour moi, c'était important aussi de mettre en avant justement le schlager en français, parce que on est quand même de plus en plus vers la variété, pour aussi enlever un peu cette image ringarde qu'on peut avoir en France, à l'intérieur de la France. D'accord. Et finalement, c'était une superbe expérience. Franchement, je suis super content de l'avoir fait, parce que il y a même le directeur du casting d'Eurovision, du coup, qui m'a appelé et qui m'a félicité en fait pour la chanson et le concept et tout ça. Donc après, j'ai pas réussi malheureusement à aller plus loin. Oui. Mais et d'ailleurs, Barbara Pravi a très bien défendu la France. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et puis son titre, finalement, c'est de nouveau un titre de chanson. Et française, et je suis super content. Vraiment, d'accord, parce qu'on est de nouveau dans de la variété. Ok. Mais c'est vrai qu'il y avait, tu te présentais là, il y avait une belle mixicité, comme tu nous as expliqué, hein, avec le compositeur allemand, c'est ça Danois, du coup. Danois, ouais, et puis bon, voilà, hein, je pense que. Et ça, c'était. Je pense que c'est bien ce que tu as fait, parce que ça devait être pas mal pour. C'était bien pour l'Eurovision. Et c'est pareil, bon, quand on reparle de l'Eurovision, c'est sûr que moi, je suis d'un âge certain. Donc, j'ai toujours ces émissions, enfin, ces images de l'Eurovision des années 70, 80, tout ça, où chaque pays chantait dans sa langue, ou pratiquement. Bon, maintenant, c'est comme ça. Voilà, c'est. Maintenant, ça change un peu, Ça change un petit peu, bon, mais c'est vrai que c'est... Après, je pense que c'est vrai que vu que c'est les autres pays qui votent, pour la France, par exemple, ça aurait été les... Oui. Alors, on a un petit souci technique. Bon, on va passer une chanson. On va passer une chanson, puis je vais récupérer Tom. On va écouter la chanson suivante. Mon cœur dit oui. Mein Herz sagt ja, ich halt zu dir, bin für dich da. Mon cœur dit oui, das ist was du gehörst in mein Welt. Ich spiel auf dich, so Voilà Tom, on t'a retrouvé. Gilles, je suis de retour. Où est ton retour? Non mais je t'en prie, ne t'excuse pas. Attends, ça arrive, tu sais, c'est pas... Voilà, on est en direct. Ça arrive comme ça, on des fois qu'on se perd. C'est vrai qu'il y a des fois avec les portables, bon là, on est... Hein, c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Donc on vient d'écouter Mon cœur dit oui. Alors, moi j'aime bien écouter ça sur les ondes de Radio Gemozo. Non mais je veux dire que c'est vrai qu'on passe pas trop souvent... de chansons, enfin, schlager, comme tu dis. Hein, c'est... Après, ouais. c'est pas parce qu'on n'aime pas. Mais bon, c'est vrai que voilà, y a d'autres artistes, tu vois, avec lesquels on travaille, quoi. Et mais donc, ça fait du bien, quoi. Comme je te disais tout à l'heure, hein, j'aurais écouté ces sons-là, et puis la chanson romantique, bien sûr, voilà, quoi. C'est tout bien. Ça change un petit peu. Ah bah ça change un petit peu, oui, oui. Et comment dire, Tom? Alors, on va faire la promo aussi, hein? Écoute. Bon, je dirais aux auditeurs que tu ne m'as pas fait de chèque ni rien du tout. Non, c'est ma petite note d'humour. Hein. Donc, je veux dire, voilà, comment on se procure cet album, Tom? Dis-nous voir. Alors, il est soit en téléchargement sur toutes les plateformes, il est aussi en écoute sur Spotify, Deezer, etc. Oui. Après, vous pouvez également vous le procurer en physique par courrier. Alors, le plus simple, c'est de le commander sur mon site internet www.tom-matisse.fr. Oui. Mais tout de suite, en page d'entrée, il y a écrit « Commander l'album » et vous pouvez le commander en ligne directement. Mais actuellement, je suis désolé, mais j'ai un petit souci sur l'approvisionnement. Il va arriver, je pense, courant de la semaine prochaine. D'accord. On aurait dû être livré cette semaine, alors comme il y a des ruptures un peu partout aujourd'hui. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, ok. C'est le cas aussi dans l'industrie musicale, a priori. Oui, oui. Donc, voilà, donc j'ai eu beaucoup de précommandes déjà. Oui. Donc, elles seront envoyées, si jamais, ne vous inquiétez pas, elles vous seront envoyées. D'accord. Simplement, je pense, courant de semaine prochaine, ça devrait se décanter tout ça. D'accord. Ben voilà, c'est le moyen le plus simple, et après c'est dans le commerce, mais dans le commerce plutôt en Allemagne ou en zone frontalière. Ok, oui, bien sûr. Okay. Bon, c'est très bien, Tom, voilà. Alors, bien sûr, il y a aussi une chose dont tu vas nous parler. Tu vas fêter tes 10 ans de carrière, c'est bien ça, hein? Déjà. Déjà 10 ans? Ah, c'est bien. Ouais, c'est cool ça. Ça passe vite, hein, ouais. Donc, voilà, tu vas fêter tes 10 ans de carrière le 2 juillet 2022 à Mauternes, hein, c'est ça, hein? À Mauternes. À Mauternes, ouais. Au nord de l'Alsace. Moi, je suis originaire, si vous voulez, de Nevillers, près d'Auterbourg. C'est à 2-3 kilomètres de Mauternes. Oui. Et puis, j'ai joué à l'Harmonie de Münchhausen, qui, pareil, est à 2-3 kilomètres de Mauternes. Donc j'ai fait le choix de rester de là où je suis originaire. Oui, bien sûr, ouais, ouais. C'est bien. Ah ouais. Et puis, je suis heureux d'organiser donc cet événement. Donc c'est vrai que 10 ans, donc ça a démarré en 2012 avec ma carrière solo à l'émission télé, dont ce que je racontais tout à l'heure. Et puis là, ça fait donc 10 ans. Et vu que je suis aussi musicien, en fait, j'ai toujours eu un rêve, vu que je fais plusieurs instruments, d'être accompagné par un orchestre live. Un orchestre live, oui. Parce que oui, je voulais parler tout à l'heure, je voulais faire un petit peu flashback, mais c'est vrai que bon, bah, tu es un enfant d'abat à ce niveau-là, je veux dire, au niveau, donc, tu as fait de la clarinette et le solfège à l'âge de 6 ans. C'est ça. Et puis après, tu fais en autodidacte à l'accordéon, piano, saxophone et puis la guitare aussi. Hein, guitare, c'est ouais, bien ça, ouais, hein, tout ouais. à fait. Ouais. Ouais. Finalement, le chant est venu plus tard. Hein. Oui. J'étais avant tout musicien avant de chanter. Et c'est vrai que souvent, quand on est sur des concerts, on est obligé de chanter sur bande son parce que techniquement, on peut pas faire autrement. Il y a 5-6 artistes qui interprètent. Donc c'est vrai qu'on est sur bande son. Oui. Et mon rêve, ça a toujours été de faire un concert live avec un orchestre live et de la vraie musique. Bien sûr. Et c'est l'occasion pour moi de pouvoir le faire donc le 2 juillet prochain. Le 2 juillet prochain, oui. Parce que je voulais dire ça moi. Quand tu étais avec Santa Rosa, tu as commencé, je dirais, au niveau en tant que musicien. Et après, tu as chanté après, hein, c'est bien ça. Ouais. Santa Rosa m'avait engagé en tant que musicien. Mmh. Et puis petit à petit, après, je chantais les chœurs avec. Et c'est pas tout qui m'a dit ben comme ce serait bien que tu chantes quand même, je suis sûr qu'on peut travailler sur ta voix et il y a quelque chose à faire. Mais au début on a peur du micro et tout. Bien sûr. C'est bizarre de s'entendre hein, d'une oreille externe que plutôt oreille interne. C'est sûr. Donc mais là j'avais un CD de Santa Rosa parce que comme je te disais tout à l'heure, je me promenais en Alsace et c'est là que je t'ai que je t'ai connu un petit peu, tu vois. Parce qu'on reconnaît quand même ta voix hein, dans ce que tu chantes avec, bien sûr, avec Santa Rosa. Donc voilà, c'est. Bah, tant mieux. C'est bien. La marque de fabrique. Ouais, c'est bien. Ouais. Alors, ouais, c'est eux qui m'ont poussé, ouais, tout à fait à chanter. Et puis après, je me suis dit, et en fait, après, c'est des vidéos tout simplement qui étaient sur Internet. Et j'ai un journaliste allemand qui m'a écrit, qui m'a dit, écoutez, on cherche des artistes, des jeunes artistes, est-ce que ça t'intéresse? Je te présente à un producteur. Oui. Mmh. Et alors, j'ai dit, pour moi, j'avais jamais pensé à faire une carrière solo, en fait. Hein. Pour moi, c'était toujours, vu que j'ai commencé en harmonie, j'ai fait 10-15 ans d'harmonie. Oui. Et puis après, c'était l'orchestre, donc j'étais toujours en groupe. C'est comme ça que je partageais la musique. Et en solo, j'avais pas pensé. Et puis, alors, je me suis dit, pourquoi pas tenter? Et donc, le producteur m'a écrit la première chanson, donc chanson d'amour, Saint-Tropez. Ouais. Voilà. Mmh. Et après, il me dit, tiens, tu veux pas t'inscrire à Ima Vida Zontak sur ARD? Alors, je tente ma chance. Oui, ça, on précise que c'est une chaîne de télévision, enfin, allemande, hein, ARD, c'est. Oui, c'est ARD, ouais. Ah, oui, c'est la première allemande. Voilà, qui correspond donc avec, qui correspondrait avec nous, la première chaîne aussi en France, hein, c'est ça? C'est bien ça. Et puis, vu que c'était des votes téléphoniques que par des Allemands, Autrichiens ou des Suisses, je me suis dit que jamais j'irais plus loin, quoi. Et finalement, non. J'étais surpris. c'est agréable. Et puis, voilà. C'est une. Je dirais, tu vas fêter les 10 ans, Tom, et je veux dire, c'est déjà une belle carrière. Je veux dire. Voilà, tout ce que tu as fait au début et tout, c'est bien, c'est beau, je trouve. Ça, c'est. Ben merci. Mais c'est sincère. Hein, autrement, je dirais rien. Mais c'est vrai, Moi, j'aime bien des artistes comme toi, tu vois. Je sais pas comment dire, mais voilà, c'est bon parce qu'on aime bien aussi la chanson romantique et tout et puis moi, côté allemand et tout, j'aime bien ces chansons-là. Donc tu vois, c'est vrai que j'ai essayé de défendre plusieurs projets à travers ma musique et ma passion, que ce soit le concept du Schlager en français. Oui, là, on est sur quelque chose de bilingue de nouveau. Donc voilà. Et puis finalement, j'ai envie d'apprécier la musique et prendre du plaisir. Et ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi parce que j'ai encore mon boulot à côté et je vais comme tout le monde au boulot tous les matins. Je ramène mes petits à la crèche. Enfin, voilà, c'est vraiment une vie comme tout le monde. Comme tout le monde. Et ouais, c'est pour ça que j'apprécie aussi ma passion. Voilà. C'est très bien. Ouais. Alors on va écouter une autre chanson. Lia, elle est partie, elle va revenir. Non, mais j'ai pris un petit peu à court. Lia. Je disais, on va écouter une autre chanson. Non, mais tu sais, on est une bonne complicité tous les deux, ça va, ça fonctionne. Il y avait les dames d'à côté qui faisaient trop de bruit, je devais fermer la porte. T'as raison. Pas les laisser rentrer. Tout le monde est le bienvenu, mais bon, chacun son tour. Exactement. Donc, Tom, on va écouter donc cette chanson Doux. Donc c'est une chanson qui est clippée aussi. Hein. J'ai vu le clip sur YouTube qu'on peut aller voir. Hein. Le partage, j'ai vu ça. Ouais, tu vois. Hein, c'est alors moi, c'est moi ou alors donc Lynn qui parce que moi j'ai mis la première publication hein, comme quoi on te recevait aujourd'hui. Ok. Sur nos pages Facebook officielles et ensuite Lynn elle relaie un petit peu le lendemain. Tu vois, elle relaie le lendemain. Donc je pense que c'est elle qui a dû relier avec le clip Doux. Donc on écoute. Allez, et on se retrouve bonne après. Bonne écoute. Merci. Dieses Gefühl, dich hier zu sehen. Ist unbeschreiblich. Ich weiß, was ich will. Ich lass es geschehen, denn ich will dich. Doch dich zu bekommen ist schwer. Ich werde es riskieren. dir, morgen zu erwachen, das wär unglaublich. Zu jeder Zeit verrücktes machen, ja, ich will dich. Doch dich zu bekommen ist schwer, ich werde es riskieren, riskieren. Ich hoffe, du lässt mein Herz nicht eiskalt erfrieren, erfrieren. Du bist da und manchmal auch zärtlich und nahe noch zärtlich. Bien d'écouter d'où Tom. Donc c'est cette chanson donc que tu as chanté pour l'Eurovision 2021, c'est bien ça? C'est ça. D'accord. Du coup, en version française. En version française, d'accord. Ouais, j'ai bien suivi. Alors j'ai bien écouté tout ton album. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de singles potentiels dans cet album. Je sais pas. C'est ce que j'ai essayé de. C'est comme ça que j'ai monté mon projet en tout cas. C'est vrai que souvent dans les albums on retrouve 3-4 titres forts. Et, oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et derrière après c'est des titres qui complètent un peu. Oui, mais, c'est sûr, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours ça. Donc là j'ai essayé vraiment de faire des titres forts. C'est aussi pour ça que j'ai composé, parce qu'en en finalité, avant de faire la composition sur cet album, j'avais quand même contacté de nombreux compositeurs allemands. Oui. Et j'ai eu à peu près, je sais pas, dans les 500-600 titres. Ah oui. Des démos, et puis finalement j'arrivais pas à trouver vraiment la chanson qui me plaisait. D'accord, puis plus t'en as, je pense, plus ça doit être difficile. Ouais, hein? Voilà, plus t'en as, plus c'est difficile. Ah oui, je pense. Parce qu'en fait, tu sais plus ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Oui. Parce que finalement, à longueur de journée, on écoute, on réécoute, et on écoute vite parce qu'on peut pas écouter toute la chanson. Et, oui. Et après, faut se l'imaginer avec d'autres instruments, parce qu'une démo, ça va changer complètement. Bien sûr. Ah bah oui, oui. Écoute, tu perds du temps, vaut mieux que tu composes toi-même, et comme ça, au moins je sais vers où aller, ce que j'ai envie de faire, et aussi la diversité de l'album. J'ai essayé dans l'album de diversifier vraiment les chansons, donc il y aura du schlager classique, comme Mon cœur dit oui, où on est vraiment dans la rythme. Oui, c'est vrai, ouais. Dans la rythmique schlager type. Après, on a des titres plutôt solaires, comme La vie est belle, ou Unser Sommer Saint-Tropez, c'est vraiment des titres estivaux. Et on va aussi avoir des titres de dance, comme Dou, et même des titres années 80, j'en ai fait un, Ferdi Bzovinorni, c'est vraiment un style années 80, où j'ai voulu un peu faire un petit style moderne talking un peu dans l'esprit. Oui. Et j'ai cherché à varier l'album pour que les gens ne s'ennuient pas aussi quand ils écoutent l'album. Parce c'est vrai. Que c'est toujours pareil, toujours les mêmes sons, toujours les mêmes rythmes. C'est vrai que on a tendance plutôt à zapper qu'à écouter. Oui, des fois, ça peut lasser, mais bon, c'est vrai que là, franchement, je veux dire, voilà. Bon, après, c'est vrai que bon, moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà. Je dirais, bon, tout ton album, voilà, ça s'écoute bien. Je veux dire, voilà, c'est. Merci, c'est gentil. Non, c'est vrai. Non, parce que c'est vrai, des fois on retrouve des albums où il y a un ou deux titres, et puis après, comme tu disais tout à l'heure, c'est un petit peu, voilà, on remplit un petit peu l'album, et puis. Mais là franchement, enfin, voilà, c'est mon ressenti, je veux dire, tout s'écoute bien. Voilà, c'est. Après, ouais. C'est un passionné qui te parle, enfin, c'est un passionné, c'est un romantique qui te parle. Tu vois, bon, j'ai perdu chance. Alors. Pardon? Deux passionnés. Eh oui, deux passionnés. Donc voilà, mais je pense que quand même. Alors oui, je pense que tu feras. Enfin, je pense que cet album marchera bien. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Donc il va être aussi, bien sûr, sur le marché allemand. Oui. Et tu l'as fait aussi dans cet esprit-là, Tom, je veux dire, voilà, à ce que ça fonctionne bien aussi en Allemagne. Oui, tout à fait. Ouais, bah, c'est l'idée à la base. Hein. Oui, oui. C'est mm-hmm. aussi ce que veut la maison de disques finalement, qui me soutient financièrement aussi, hein, oui, sur, oui. sur mm-hmm. l'album, parce que là, une production, ça coûte. Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais une production d'un album comme ça, on a vite 25-30 000 euros de coûts de production. Hein. Oui, d'accord. Et de studio, hein, tout le travail de studio, une chanson. Mon producteur me disait, il travaille sur les arrangements. Là, il travaille à peu près une semaine. Pour une chanson. Ah oui, d'accord. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et s'il n'y avait pas de label derrière qui me soutiendrait financièrement, oui, ben, oui, oui, ben, en sûr. Réalité, je ne pourrais pas faire ce niveau de production aujourd'hui. Bien sûr. Donc, ouais, donc c'est aussi eux, finalement, qui donnent leur patte et leur orientation. Donc forcément, moi, j'avais aussi envie de revenir un petit peu en Allemagne, parce que depuis 2013, ça faisait un peu long, les bien dernières sûr. Productions ouais, que oui, j'ai pu avoir, et je voulais me moderniser et me faire connaître d'une autre façon, donc tout en gardant quand même du français et des titres un peu mélangés franco-allemand et du français tout court. Mmh. Donc c'est vrai qu'on a réussi à le faire avec cette maison de disques, et j'en suis vraiment très content et très satisfait. Bah oui, je pense que tu peux l'être, hein. c'est vraiment magnifique et formidable, hein. Je pense, enfin, que tu feras un grand succès avec cet album, hein. Enfin, moi je dis mais voilà, c'est vrai que c'est vrai, c'est coloré, tout ça. On mais verra, oui, oui, ben, je te souhaite, Tom, c'est vrai que ça serait mérité, parce que bon, voilà, il y a, comme tu dis, il y a beaucoup de travail, hein, beaucoup d'engagement, etc. Et voilà, c'est. Mais je veux dire, t'as tellement un sourire, on sent que tu es vraiment solaire, quoi. Enfin, je sais pas, moi je le ressens comme ça. Après, c'est entre deux passionnés, c'est entre deux amis peut-être. Voilà, ouais, non, mais c'est vrai, voilà, quand je vois tes photos, tout ça, quand on s'était rencontrés, je pense qu'on avait déjà une discussion assez. Voilà, ah, c'est vrai, c'est cool, c'est vrai que voilà. Ouais. Pour ça, c'était un plaisir de te. Bah, il faut voir la vie du bon côté, hein. C'est exactement, vrai qu'on a, avec tout ce qu'on vit, moi j'ai essayé de limiter ma consommation médiatique aujourd'hui pour je devrais pas le dire, hein, mais pour échapper des ondes négatives et me concentrer surtout sur oui. ce qui est et ce que je fais chaque jour. Bien sûr, et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à avancer le mieux et le plus positivement possible dans notre vie. C'est pas tout évident, même pour nos enfants. C'est exactement, oui. J'allais te poser la question, alors, au niveau de la vie de famille, enfin, sans vouloir, voilà. Comment ça se passe? T'arrives à gérer tout ça, donc. Oui. Oui, voilà. Bon, c'est vrai que les années Covid, moi, ça m'a permis vraiment de profiter de ma vie de famille aussi, hein, finalement. Oui. Donc, c'est un peu positif que je ressors. Après, les concerts, tout ça, c'est vrai que ça ne s'enchaîne pas encore. Hein. On est encore dans une phase de construction. Oui. On n'a pas encore ce qu'on a connu avant. Hein. Oui, c'est vrai. Mais, voilà. Mais c'est pas grave, parce que ça me laisse du temps pour la création. Et tout le monde ne le voit pas, mais pour le spectacle du 2 juillet, c'est vrai que je répète aussi toutes les semaines sur le spectacle, ou quasiment, et ça me fait quand même vivre de ma passion à côté, quoi. Donc les enfants, j'essaie de concilier, bien sûr. Ouais. Alors heureusement qu'on a papy mamie aussi pour les garder des fois. Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, ça va. On y arrive. Ouais, j'avais une petite photo sur Facebook où tu es, je crois, bien sûr, en famille ou en balade. Enfin bon, je sais pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est bien, c'est beau aussi de voir ça, je trouve. C'est vrai que de pas être trop pris par le comment je vais dire la passion, enfin par la chanson, tout ça, c'est bien. Ça, je pense que ça te permet, tu l'as dit, voilà, de faire un. Quand on retrouve la famille et tout, et voilà, d'être trop dans le showbiz, si je pourrais dire comme ça, enfin dans le système, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah ouais, ça me permet d'avoir un peu de recul. Voilà, c'est bien. Alors, on va écouter une autre chanson, Tom. Oui, 16h51, ça passe toujours vite. Attends. Ça passe vite. Voilà, ouais, ça passe exactement. Vite. Hein. Ouais, tout à fait. Alors là, on va donc écouter Du bist mein neues Leben. Si tu veux bien. Ah oui, bah, ouais. C'était mon premier single. Oui, c'est vrai, parce que tu as fait des singles, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais on avait déjà diffusé chez nous, hein, dans mes coups de cœur, donc quand tu avais fait des singles, notamment Parlez-vous français aussi, je me souviens, c'était bien aussi ça. Oui, Parlez-vous français, Parlez-vous français qui est resté. Qui est encore aujourd'hui dans les top charts allemandes. D'accord, ouais, ouais. Qui est assez incroyable parce que. Ça fait plusieurs années, il est sorti quand celui-là en 2019, je crois. Il est toujours dans les charts, ouais. D'accord. C'est une belle chanson aussi qu'on a eu l'occasion de diffuser dans nos coups de cœur, tu vois. Alors, c'est cool. Attends, je te livre un message de Lynn qui est à l'écoute. Mm-hmm. Alors, je cite, elle me dit un petit bonjour à Tom du Québec. Félicitations pour son album, ambiance musicale qui apporte de la joie, qui donne le goût, donne envie de danser, de fredonner et de chanter. Voilà. Ah bah super, merci Lynn, ça fait plaisir. Alors on écoute Du bist mein neues Leben. Merci. Ohne Ziel und Träume. Ich hätte alles und doch war das alles so leer. Doch plötzlich stehst du vor mir und die Welt dreht sich nicht mehr. Und ich wusste sofort, neue Zeit, neuer Ort, komm wir fliegen fort. Du bist mein neues Leben, nicht kein jemals schöner sein, wie dieses neue Leben, du und ich für immer. Und wir zwei fliegen hoch, Richtung Himmel, schwerelos. In diesem neuen Leben, nicht kann jemals schöner sein. Das kommt doch ein. Nur im Märchen vor, so schön kann nicht sein. Sowas wie du hab ich geglaubt, kann niemals wahr sein. Doch plötzlich stehst du vor mir und die Welt dreht sich nicht mehr. Und ich glaub es noch kaum, kann es Wirklichkeit sein oder nur ein Traum. Du bist mein neues Leben. Jemals schöner sein, wie dieses neue Leben, du und ich für immer. Und wir zwei fliegen hoch, Richtung Himmel, schwerelos. In diesem neuen Leben, nichts kann jemals schöner sein. Voilà, on vient de l'IA. Du bist mein neues Leben. Tu sais ce que ça veut dire? Ah non. Qu'est-ce voilà, que ça pourrait bien vouloir dire? Du bist mein neues Leben. Hein? Non, je sais non, pas. Non, tu sais pas. Ça me dit rien là. Alors, on peut traduire comme ça, Tom, hein, tu es mon ouais. nouvel amour. Exactement. Ah, c'est beau. Tu vois, je suis en train de faire une déclaration à l'antenne. Non, non, il fallait que je le fasse pour rigoler. Voilà, Tom, on vient d'entendre cette chanson. Alors, il est 16h56, voilà, ça passe. Alors, j'aurais bien voulu aimer qu'on écoute plus de chansons, bien sûr. Si tu veux, on va se dire au revoir aussi, là, voilà. Mais on va passer une autre chanson hein, pour terminer. Mm-hmm. Très bien. Alors, hein, on va passer Winter Summer, C'est bien. Festival, c'est dans c'est festival, voilà. Hein, j'ai trouvé que c'était pas mal. Oui, alors je disais, bon, oui, on aurait aimé passer plus de chansons. Mais tu sais que, donc, ben, les chansons ne restent pas dans les tiroirs. Ça sera rediffusé, bien sûr, sur des futures émissions de coup de cœur que je fais à part les interviews, tu vois. Et donc, ouais. Voilà, ça sera rediffusé de nouveau. Hein, voilà. Et puis, je voulais dire aussi, ben, l'émission sera en podcast, comme d'habitude. On garde des bonnes habitudes. Elle sera en podcast sur notre page, sur la page RGM et puis la page Jimouchel officielle. Donc, je mettrai ça. Puis tu pourras repartager si tu veux, donc avec toutes les personnes qui te suivent. Super. Okay. Et rediffusé ce dimanche à 18h. Ah. Ah. T'as entendu la belle voix de l'IA. La voix d'ange de l'IA. Hein, toi. Ça, je la laissais dire. Aujourd'hui, elle n'a pas trop parlé, mais elle travaille, l'IA, elle travaille. C'est vrai qu'en même temps. Ben voilà, Tom, j'espère qu'on a fait un petit peu le tour de toute ton actualité et puis de ce bel album. Hein. Jeunis das Leben. Je me lasse pas, merci. Tu vois, de le prononcer, j'aime bien. Bon, bah, c'est top. Hein, bah, c'est venez top. Nombreux le 2 juillet. Eh ben, écoute, oui, je voulais en parler, mais c'est vrai qu'on, de toute façon, on reste en contact, mais je vais regarder cette date et j'aimerais bien ouais. venir te voir. Voilà, on va faire ce qu'on peut. Donc, oui, le 2 juillet, ça sera période déjà début des vacances, hein, c'est formidable. Début donc, des vacances, ouais. L'été qui respire, enfin ça devrait le faire. Ça devrait on le faire. Devrait pas trop mal. Ah ouais, ça serait cool. Voilà. Bon, écoute Tom, je te remercie encore voilà d'avoir été sur notre antenne. Et puis voilà, c'était un plaisir de te recevoir. Un plaisir partagé. Merci à vous. Merci Tom. Gilles, merci à Aline, la voix d'ange. Oui. Et Lia, pardon. C'est Lia, oui. Lia. Après... Et oui. Lynn, bien sûr, oui. qui suit de près la carrière, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit message. D'accord. Et ben, je vous souhaite encore une très bonne soirée à tous les auditeurs. Merci. Merci Tom, à très bientôt. Hein. Merci. À bientôt, au revoir, merci. Au revoir. Voilà, mes auditeurs, auditrices, l'émission se termine tout doucement. Voilà, nous avions eu Tom Matisse cet après-midi voilà, sur Radio Gamozo et dans les années bonheur. On écoute une dernière chanson. Merci, Lia. Merci à toi. À très bientôt à tous. Portez-vous bien. Oui, au revoir. Oui. Je suis en direct juste après à 18h. Ah, tu es en direct après, voilà, oui. J'en profite cette fois-ci. Tu as raison. Avec l'artiste local Drex qui nous parlera de son album Alien. Cool, voilà. Super tout ça. Allez, à toutes. À bientôt. À bientôt. Du trägst mein T-Shirt, besteh die Suppe. Es ist ein Acht und wir ziehen los. Die Hitze kriecht noch durch alle Straßen. Deine Schell macht mich ganz atemlos. Spürst du den Rhythmus der Musik? Mein Herz schlägt bum bum bum. Total verrückt, wir sind beide. Menschen lachen, die uns begegnen. Komm, wir erobern all diese Nacht. Wenn man sich liebt, dann ist alles einfach. Ich bin das Licht, das dein Herz bewacht. Spürst du den Rhythmus der Musik? Mein Herz schlägt bum bum bum. Total verrückt, das Glück läuft uns ein. Demons feel.